c'est moi, hein. C'est moi qui ai fait mon coup. Attends, je dois le recommande. Bon, bah on va aller se coucher. Je vais aller manger, moi. Je vais me foutre une petite vidéo de... Comment il s'appelle? D'Ulrich? Non. Uli, John, Roth. Yeah.